Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Albert et Edouard Einstein, de l'asile à l'exil, épisode 1. Sur cette photo prise en 1933, on le reconnaît immédiatement. Albert Einstein, le physicien de génie, prix Nobel 1921, dont les travaux ont révolutionné la science. Son visage, avec sa chevelure blanche en bataille et son regard malicieux, a déjà fait le tour du monde. Mais ici, pas l'ombre d'un sourire dans les yeux d'Einstein. Au contraire, son regard est grave, inquiet même. Assis à côté de lui, dans le salon bourgeois, un jeune homme lit. Il est beau, élégant, avec son nœud papillon. Il s'agit d'Edouard, le deuxième fils d'Albert Einstein. Il a 23 ans, il vit à la clinique psychiatrique de Zurich et c'est la dernière fois qu'il voit son père. 1933, l'année où a été prise cette photo n'est bien sûr pas un hasard. Juif, homme de science, pacifiste, Albert Einstein, qui a tout pour déplaire à Hitler, est contraint de fuir l'Allemagne. Le drame de voir son pays basculer dans le nazisme et le drame de l'exil vont se doubler d'une autre blessure, plus profonde, longtemps restée secrète, celle du fils qui, à l'adolescence, a sombré dans la schizophrénie. C'est l'histoire de ces deux destins croisés que je vais raconter ce soir. Albert Edouard Einstein, de l'asile à l'exil, épisode 1. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Laurence Exig, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Vous êtes écrivain, auteur de nombreux romans, de biographies aussi, et notamment le cas Edouard Einstein, qui en 2013 avait obtenu le prix du meilleur roman, un livre bouleversant, où sans doute le premier vous rameniez à la lumière ce fils oublié d'Albert Einstein, Edouard, né en 1910, qui mourra en 1965 dans cette clinique psychiatrique de Zurich, Burg Hölzli, et où il aura vécu plus de la moitié de sa vie. On connaissait l'existence d'Albert, on connaissait aussi l'existence d'une petite fille qui était morte très jeune, donc un premier enfant d'Albert et Mileva Einstein. Comment avez-vous découvert l'existence d'Edouard ? C'est d'abord un travail, une biographie d'Einstein que j'avais écrite pour Gallimard Folio, qui m'avait conduit sur les traces d'Einstein, et au cours de mes recherches, j'avais été surpris par le fait que dans les plus grandes biographies, notamment celle de Walter Isaacson ou tous les documents, deux, trois lignes, qui notaient au passage, racontant en effet l'histoire d'Einstein, de la famille Einstein, qu'Einstein avait deux fils, dont l'un, Edouard, avait été, à l'adolescence, interné à l'hôpital psychiatrique de Burghölzli, et qu'il y avait vécu, alors peut-être pas toute sa vie, puisque ce sont des allers-retours avec son domicile, mais qu'il y était mort en 1965, seul, un peu délaissé. Jardinier. Jardinier de l'hôpital psychiatrique du Burghölzli. Il y a toujours des résonances lorsqu'on est écrivain. Moi, je suis médecin, j'avais commencé mon internat par la psychiatrie. Et cette espèce de choc entre la voix des schizophrènes qui m'avait bouleversé lorsque j'étais interne et cette connaissance, je crois, de la vie d'Einstein à travers cette biographie chez Gallimard avait fait que je m'étais plongé dans ce mystère. Le fils de l'homme qui incarnait la raison avait perdu la raison. Et je suis tombé sur cette photo dont vous parlez, et cette photo est en effet aux antipodes de l'image d'Einstein. On n'a jamais vu Einstein avec un regard si triste, on n'a jamais vu Einstein si accablé. Il fallait peut-être justement la plume d'un écrivain, d'un romancier, pour pouvoir faire vivre cette histoire et justement essayer de dénouer ce mystère dont vous parlez, Laurence Exig. Et c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, qui commence en 1932 à Berlin, qui se terminera en 1955, après l'exil américain d'Einstein et sa mort en avril 1955, et qui mettra en scène aussi, c'est un autre personnage très important, Mileva, la première femme d'Einstein, dont il s'est séparé en 1914. Il aura une autre épouse par la suite, donc Elsa. Avant de commencer, Laurence Exig, pouvez-vous nous rappeler qui est Albert Einstein en 1932? C'est déjà un homme célèbre, un physicien de renommée mondiale, même pour le grand public. C'est l'homme le plus célèbre de son temps, tout simplement. Qui a été acclamé sur la 5e avenue, qui a été acclamé à Shanghai, qui a rencontré tous les grands de ce monde, l'empereur de Tokyo et Gandhi. Et c'est un homme aussi qui symbolise à la fois donc l'humanisme, qui symbolise la quête des secrets de l'homme et qui incarne aussi tout ce de l'univers aussi. Et les secrets de l'univers, c'est ça. C'est à la fois l'humain et ce qui dépasse l'humain. C'est l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est aussi un homme qui symbolise tout ce que peut détester, comme vous l'avez dit, le nazisme. Le nazisme qui, en cette année 1932, est aux portes du pouvoir. Donc c'est un homme qui est menacé, dont Goebbels a mis la tête à prix. C'est un homme qui, depuis 1922, lorsqu'il a perdu son ami Walter Rathenau, le ministre des Affaires étrangères allemand, qui a été assassiné, vit, comme il le dit à Max Planck, vit sous la menace, vit dans l'angoisse aussi. Et reçoit des menaces de mort, années 20. Oui, dès les années 20, il y a un mouvement anti-relativiste extrêmement puissant en Allemagne, dans l'université allemande, mené par Philipp Lenard, autre prix Nobel qui sera son ennemi de toujours. Il est au sommet de quelque chose, il est au sommet de sa gloire, et il est à l'aube d'une double tragédie. Il est détesté parce qu'il est juif et aussi à cause de ses révélations donc sur les théories de la relativité. Alors, sa théorie de la relativité, pensez qu'en 1918, l'Académie royale britannique va envoyer deux expéditions au Brésil et en Guinée pour valider cette théorie de la gravitation. Et lorsque ces théories auront été validées par une de ces expéditions, lors d'une éclipse solaire, on lui remettra le Nobel 1921, on lui remettra en 1922. D'ailleurs, pas pour la théorie de la relativité, qui a été contestée à un certain nombre d'années, mais pour l'effet photoélectrique. Mais donc, c'est dire combien ces théories et cette théorie-là étaient révolutionnaires. Ce n'est pas seulement pour cela qu'il était détesté. Il était détesté parce que c'était un homme engagé. Oui. C'était un homme engagé dans les mouvements pacifistes. C'était un homme engagé. Oui, dès 1914, il est quand même fait une déclaration. Enfin, il écrit une pétition qui va être signée par deux autres personnes que lui contre la guerre, ce qui est quand même assez étonnant. On est en Allemagne en 1914. Et déjà, quand il était enfant, il était anti-discipline. Enfin, il détestait la musique militaire, les hommes qui marchaient au pas. Ses engagements vont se poursuivre après la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous l'avez dit, le pacifisme, mais aussi il s'engage pour un État juif en Israël. Absolument. Il combattra plus tard pour les Noirs américains, pour leurs droits. C'est quelqu'un qui avait la tête dans les étoiles, mais qui avait les pieds sur terre et qui avait le poing ferme. Qui savait, on a souvent cette impression d'un poète. C'est tout aussi cela. C'était aussi un original. Mais un homme avant tout, un homme engagé. Et c'est aussi la raison des haines qui ont succédé d'abord d'Hitler et puis de McCarthy. Laurence Exic, on se retrouve dans une trentaine de minutes, si vous le voulez bien. Tout de suite, Albert et Edouard Einstein de l'Asile à l'Exil, l'épisode 1. Un texte de vous, Laurence Exic. La réalisation est signée Christophe Hoquet. Je n'aime pas arpenter les rues de Berlin au crépuscule. La ville est devenue un coupe-gorge. Hier, sur la Friedrichstrasse, mon taxi a été bloqué par une manifestation. Un camion m'a dépassé. Sur la plateforme arrière se tenait une dizaine de SA. L'un d'eux a hurlé « C'est Einstein ! Dis à Klaus de s'arrêter !» Je suis devenu une cible ambulante. Goebbels me cite dans ses discours. Les menaces de mort se multiplient et on dit que je serai le numéro un d'une liste d'hommes à abattre. Depuis le meurtre de mon ami Rathenau, combien de mes connaissances ont-elles été assassinées? Weimar ne défend plus rien. Weimar est un piètre rempart. Weimar ne tiendra plus longtemps. Max Planck a demandé à me voir. Peut-être ce rendez-vous sera-t-il une embellie? Le patron des sciences allemandes m'a toujours soutenu depuis qu'il a publié mes premières découvertes en 1905. Un nouveau Copernic, avait-il dit en ouvrant les portes de l'université. Copernic. Et aujourd'hui, un article dans une soi-disant revue scientifique prétend que la formule E égale MC2 est une découverte arienne que j'aurais pillée. Elsa me dit de ne pas voir tout en noir. Le soutien du patron des sciences allemandes, ça n'est pas rien. Et puis, qui aurait l'audace de s'en prendre à l'une des personnalités les plus célèbres au monde? Pour Elsa, c'est sûr. Personne ne nous fera partir de chez nous. Berlin, printemps 1932. La ville, le pays tout entier sont proches du chaos. Les manifestations d'une violence inouïe entre SA et membres du Rote Front communiste sont quotidiennes. Les assassinats politiques se multiplient. Le vieux président Hindenburg, confiant en von Papen et en von Schleicher, refuse encore de nommer Adolf Hitler chancelier. La République ingouvernable va d'élection en dissolution du Reichstag. L'Alexanderplatz est grise et sale sous le froid. Albert Einstein, emmitouflé dans son manteau, son chapeau noir sur la tête, entre dans l'Institut Kaiser Wilhelm pour rencontrer le doyen, Max Planck, l'un des pères de la physique moderne. Ah, Albert, comment allez-vous? Bien, Max, bien. Asseyez-vous. Oui. Elsa, vous savez, j'ai encore en mémoire le dîner que nous avons fait chez vous il y a un mois. Une soirée magnifique, quelle cuisinière hors pair, son dessert délicieux. Comment appelez-vous ça, Albert, déjà? Un Kaiskuchen, Max. Ah oui, succulent, tout simplement succulent. Dites-le lui, Albert. Hélas, on ne peut pas vivre que de gâteaux et de bon vin. Je vous ai demandé de venir dans mon bureau, mais c'est l'ami qui va vous parler. Pas le doyen de notre noble institut. Celui que vous avez face à vous, Albert, ce n'est pas le professeur Planck. C'est votre ami, Max. Merci, Max. Albert, vous savez que j'ai toujours fait de mon mieux pour vous aider. Vous savez que j'ai convoqué à de nombreuses reprises le professeur Lenhardt, ici même, pour lui demander de cesser les attaques et les manifestations d'hostilité à votre égard, d'arrêter d'organiser le déferlement d'étudiants à sa solde dans vos cours et de tenter de modérer les prises de position de ses assistants contre vous dans Der Stürmer. Je vous en suis reconnaissant, Max. Mais Lenhardt a de très nombreux appuis. C'est un prix Nobel, lui aussi. Comment pourrais-je prendre parti? Beaucoup de gens me reprochent aujourd'hui votre seule présence au sein de l'Institut. Lenhardt a réussi à convaincre une partie de nos enseignants que la théorie de la relativité serait une science indigne de la communauté allemande. Et aussi aberrant que cela puisse paraître, nombre de nos collègues partagent son avis. Albert, si je m'oppose officiellement à Lenhardt, on me taxera de partialité. On m'accusera de sympathie envers les vôtres. On prétendra que je suis un ennemi du peuple allemand. J'en suis conscient, Max. La seule chose que je peux vous recommander, Albert, et c'est encore l'ami qui parle, c'est la prudence. N'allez plus défier ces hordes que Lenhardt envoie contre vous. Soyez prudent quand vous rentrez chez vous. Le seul nom d'Einstein est comme un chiffon rouge pour beaucoup. Je ne devrais pas vous dire ça, mais à votre place, j'accepterai la proposition d'aller enseigner en Amérique. Là-bas, vous n'aurez plus à craindre pour votre sécurité. Vous pourrez travailler en toute sérénité. Laissez la politique à Lenhardt. Votre œuvre, Albert, n'est pas terminée. Votre œuvre, c'est l'essentiel. Merci pour votre sincérité, Max. Max a sans doute raison. Je devrais accepter d'aller en Amérique et dire oui à l'invitation de l'Institut de Princeton. Partir, m'exiler, avant que le pire n'advienne. Peut-être la belle histoire entre les Einstein et l'Allemagne est-elle en train de s'achever. Aujourd'hui, mes idéaux sont submergés. Toutes mes idées sont mises à mal. Mes proches sont menacés de mort. Au milieu du fracas, il me semble entendre les harangues victorieuses de Lenhardt qui exultent. Je suis fatigué. Et là, le combat qui se joue semble perdu d'avance. Je ne distingue ici nulle trace d'espoir. Zurich, novembre 1932. Mileva Marika Einstein attend devant l'imposante porte de l'hôpital psychiatrique du Burghölzli. Mileva est la première épouse d'Albert Einstein. Elle l'a rencontré sur les bancs de l'école polytechnique de Zurich, 35 ans auparavant, en 1897, où elle était une des premières femmes admises et qu'elle quittera cependant une année plus tard sans son diplôme. Une fille, Liesel, naît en 1902 de l'union avec Albert hors mariage. Elle décédera peu de temps après. De l'union légitimée en 1903, un premier fils naît en 1904, Hans Albert. 1905 sera l'année magique des cinq découvertes d'Albert qui révolutionneront la physique et dont une lui vaudra le Nobel. Un deuxième fils, Édouard, naît en 1910. Le couple bat de l'aile se sépare en 1914 définitivement. Le divorce est prononcé en 1919. Mileva reste vivre avec Édouard à Zurich. En cet automne 1932, Mileva a conduit Édouard à l'asile pour un nouvel accès de folie que les psychiatres ont étiqueté schizophrénie 2 ans plus tôt. Elle se trouve ce matin à la porte de l'asile pour revoir son fils. Elle retarde le moment de frapper à la lourde porte. Est-ce vraiment la science qui opère au-delà de ces murs? On croirait que le diable a pris possession de l'âme de mon fils. Ce lieu est censé donner asile aux esprits en détresse? J'entends encore les hurlements, les affreux rires en cascade. Je revois Édouard parmi les silhouettes se balançant sur place. Ces hommes et ces femmes ont tout oublié de la douceur de vivre. Plus rien ne les atteint. ni injonction, ni coup. J'aurais tellement aimé prendre la place d'Edouard. Moi, la prisonnière, lui, un homme libre, lui, dévalant la route, et moi, qu'on interne. Le sort en a décidé autrement. La vie m'a prise en haine et a dérobé ce qui faisait ma joie. Voilà sa chambre, Madame Einstein. Une des plus belles. Une chaise, un excellent matelas. Ah, j'allais oublier le principal. La vue imprenable sur le lac. Merci, Monsieur Amrath. Vous serez le fils d'Einstein à la clinique du Bürgelsee. Ça n'est pas tous les jours. La nouvelle a déjà dû faire le tour de Zurich. Mais mon fils n'a rien fait de répréhensible. Certaines souffrances ont mauvaise réputation de nos jours. Racontez-moi ce que vous aviez de si capital à dire au docteur Minkel. Mon Edouard a besoin de 10 heures de sommeil. C'est capital, ça. Vital, quelles que soient les circonstances. À la maison, je prépare des tisanes, je veille toute la nuit. Comment ferez-vous ici? Nous disposons d'autres méthodes. J'ai tout essayé, il n'y a que la tisane. Nous avons d'autres tisanes. Rien de trop puissant. Ne croyez pas tout ce qu'on dit sur les hôpitaux psychiatriques, Madame Einstein. Nous sommes en 1932. Les méthodes barbares d'autrefois n'ont plus vraiment cours. Plus vraiment? Disons que nous ne les utilisons qu'en cas de nécessité absolue. Edouard est une nécessité absolue. Nous en tiendrons compte, madame. Je peux vous demander une dernière chose? Allez-y. La camisole. Ne la lui laissez pas trop longtemps. Mon petit garçon est si fragile. Votre petit garçon a brisé l'arcade sourcilière d'un infirmier. Madame, le bien de nos proches nécessite d'aller à l'encontre de leur volonté. Et puis gardez espoir. La science accomplit des progrès fulgurants. Ce n'est pas à vous, Madame Einstein, que je la prendrai. Allez, maintenant nous avons des papiers administratifs à remplir. Venez avec moi, s'il vous plaît. Ensuite, vous pourrez voir votre petit garçon. Edouard Einstein a 22 ans. Depuis 2 ans déjà, le Benjamin des Einstein effectue des séjours prolongés à l'hôpital psychiatrique de Zurich. La clinique Burghölzli compte parmi les meilleures de l'époque. Les plus éminents médecins et professeurs y ont exercé. Rorschach, Bleuer, le découvreur de la schizophrénie, Carl Jung lui-même ont travaillé ici. Edouard a toujours été fasciné par la psychiatrie. Il possède un portrait de Sigmund Freud dans sa chambre. Jeune homme d'une grande intelligence, Edouard avait, avant sa première hospitalisation, entamé des études de médecine qu'il avait été contraint d'interrompre. Depuis le divorce de ses parents, il entretient avec son père une relation ambivalente d'amour et de haine que les symptômes de la terrible maladie ne font qu'aggraver. Il vit chez sa mère, mais ce matin, alors qu'il était en plein délire, des ambulanciers sont venus le chercher pour le conduire à l'asile. Je me plains des autorités. Je connais du monde, vous savez. Les gens qui me connaissent vous diront que je suis fou. N'en croyez rien. Le propre des fous est d'ignorer qui ils sont. Je suis le fils d'Einstein. J'imagine le doute dans votre esprit. Le fils d'Einstein, c'est inscrit sur mon passeport. Einstein ! En un mot ! Édouard de son prénom, né à Zurich, le 23 juillet 1910. Menez votre enquête. Je suis de notoriété publique. Le E de l'équation, c'est le E d'Edouard. Édouard égale MC2. Depuis peu, certaines de mes facultés m'échappent. Est-ce la raison de votre présence ici? Ou vous êtes là seulement pour entendre parler de mon père et salir sa mémoire? Ces jours-ci, ma pensée n'est plus en conformité. Mes actes se dérobent à ma volonté. Il y a aussi ces voix qui murmurent à mon oreille des paroles que maman n'entend pas. Je me demande si elle ne devient pas sourde avec l'âge. Mon père pourrait au moins faire le déplacement. Berlin n'est pas à l'autre bout du monde. Je vous communiquerai son numéro de téléphone quand les nombres ne s'en mêleront plus dans mon esprit. Envoyez un télégramme. Albert Einstein, 5, Haberlandstrasse, Berlin. Peut-être que vous ne me croyez toujours pas. Peut-être que de nombreuses personnes se présentent ici en affirmant être le fils d'Einstein. Je ne leur jette pas la pierre. Porter un illustre patronyme peut être considéré comme une chance. On croit que la gloire rejaillira sur soi. On se trompe lourdement. Le nom d'Einstein est une charge pour le commun des mortels. Il n'y a qu'une seule personne qui a les épaules assez solides pour supporter un tel fardeau. Mon père ! Ni mon frère ni moi n'avons la stature ! Voilà la cause de mes tracas, si c'est ce que vous cherchez. Quant à ceux qui se prennent pour Napoléon, débrouillez-vous sans moi ! Je porterai volontiers le nom de ma mère. Je n'en serai pas là. Mais il n'est pas facile de remonter le temps. Mon père a étudié la question, déjà. Je ne marcherai pas sur ses plates-bandes. Aussitôt qu'il a appris le nouvel accès de démence de l'état de son fils, Albert Einstein a décidé de prendre le train. Il marche maintenant d'un pas incertain sur un quai de la gare de Berlin. Sa seconde épouse, Elsa, le tient par le bras. Elle lui parle avec cet accent doux, traînant, roulant les airs. Elle prononce « Albertle ». Mais ces intonations languissantes, tirées de l'idiome de leur Souabe natale, et qui, par le passé, ont toujours été pour lui un soutien, une consolation, parce qu'elles le ramenaient au doux murmure de sa propre enfance, ne parviennent pas aujourd'hui à le réconforter. Sur ce même quai de la gare de Berlin, 16 ans auparavant, en août 1914, la veille du jour de la déclaration de guerre, sa première épouse, Mileva, avançait à ses côtés, de sa démarche boitillante. Ses fils, Hans Albert et Edouard, alors âgés de 10 et 4 ans, tenaient la main de leur mère. Einstein les accompagnait jusqu'au train. L'atmosphère était glaciale. Le mari et la femme se séparaient définitivement. Albert restait à Berlin. Hans Albert, Edouard et leur mère retournaient vivre à Zurich. « Tu ne viens pas avec nous ?» avait demandé Edouard. « Non, Edouard, ton père ne vient pas, » répondit Mileva. « Vite, le train va partir. » La famille s'installa dans un compartiment. Hans Albert et Mileva s'asseyèrent sans un regard au dehors. Edouard monta sur un siège, colla son visage contre la vitre et glissa une main par la fenêtre. Il s'écria « Papa, Edouard t'attend à Zurich. » Je croyais en l'intelligibilité de l'architecture du monde. Je nourrissais l'illusion de maîtriser les événements. Je pensais que le sort de l'humanité dépendait de la science. Je croyais avoir résolu les plus grandes énigmes. J'ai toujours vu la raison se manifester dans la vie, et la raison n'est plus nulle part dans l'esprit de mon fils. Ce drame est une affaire personnelle, quelque chose qui concerne le ressort le plus intime de ma vie. Le ressort est cassé, le cours de la vie normale est brisé. La vie d'Edouard et son cerveau, ma vie, celle de Mileva et celle de Hans Albert. Quelque chose dans mon attitude a-t-il pu entraîner un tel désastre? La distance avec mes fils, l'abîme qui s'est creusé avec mon ex-femme, un geste, une succession de propos ont peut-être accompli l'irréparable et abîmé le cerveau de mon fils. Ou bien tout est tracé d'avance et tout est dans les gènes. Notre sort dépend du hasard. Non. Les enfants de divorcés ne finissent pas à l'asile. Surtout ne pas plaider coupable. Ne pas dresser l'inventaire des fautes. S'interdire de remuer le passé. N'attendre le dévoilement d'aucune vérité fatale. Il n'y a rien à comprendre. Expliquer serait faire offense à la souffrance. Injurier ce malheur immense. Cette vie de pauvre air qui semble débuter. Mesurer simplement l'étendue du malheur comme je vois défiler les forêts dans l'interminable nuit. Le train fait une halte à la gare de Stuttgart. Un groupe de chemises brunes entre dans un immense tumulte, frappe du pied et des poings. Il passe sans remarquer la présence d'Einstein. Bonjour, monsieur. Je peux m'installer? Je vous en prie, madame. Une femme seule, d'une cinquantaine d'années, imposante, pénètre dans le compartiment. Monsieur Einstein, n'est-ce pas? Albert Einstein, quel honneur. Attendez, je vais prévenir mes enfants sur le quai. Hans, Dieter, je suis avec le professeur Einstein. Au revoir. À dans 3 jours. Professeur Einstein. Dommage que mes enfants n'aient pu vous serrer la main. Ce sont 2 petits génies aussi, vous savez. Vous avez des enfants, j'imagine. 2 fils également. Vous devez être fiers. Dites, je peux me permettre une question un peu indiscrète. Est-ce vrai ce que racontent les journaux? Vous pourriez quitter l'Allemagne pour aller enseigner aux États-Unis? Un conseil, professeur, ne faites pas ça. Ne quittez pas la glorieuse civilisation européenne pour ces nigauds de Yankees. Que redoutez-vous ici? Vous croyez vraiment que le parti nazi va prendre le pouvoir? Et dans le pire des cas, même s'ils y parvenaient, que craignez-vous donc? Vous pensez vraiment qu'ils appliqueront leur programme? Mais soyons sérieux, professeur. Dès qu'il sera chancelier, Hitler fera comme les autres. Il s'adoucira et deviendra raisonnable. Et je vais même vous avouer quelque chose. Peut-être qu'il proposera pour la nation allemande une cure d'ordre. Elle ne nous fera pas de mal. Ni à nous, ni à la société, ni même à l'économie. Après tout, peut-être que nous avons besoin d'un petit coup de pied au derrière. Vous ne pensez pas que nous ayons besoin d'un petit coup de pied au derrière? Cher Edouard, bonjour. Je suis le surveillant Heimrat. Je suis venu t'annoncer la venue de ton père. Très honoré, monsieur Heimrat. Je suis Edouard Einstein. Êtes-vous affilié au médecin que j'ai vu tout à l'heure? Oh, je suis en quelque sorte son assistant. On ne choisit pas une telle profession par hasard. Quelque chose doit clocher dans votre tête. Dites, ce médecin m'a demandé ce que je voyais dans des dessins tracés à l'encre noire. Savez-vous que mon père a croisé le docteur Rorschach sur les bancs de la faculté de Zurich? Eh bien, les planches sont toutes des reproductions du portrait de mon père, son portrait craché, dessiné de mémoire. Renonçons à vous, si vous le voulez bien. Avec plaisir, surveillant. Revenons-en. Je tenais à signaler qu'en m'enfermant ici, on commet une terrible erreur médicale, doublée d'une erreur judiciaire. Mmh. On me traite comme un demeuré. J'ai lu dans ma jeunesse toute la bibliothèque de mon père. À 6 ans, je lisais Shakespeare. Vous avez peine à me croire? Savez-vous qui a écrit « On peut avoir ce qu'on veut, mais on ne peut pas vouloir ce qu'on veut » Oh, Kant. Schopenhauer. Kant a dit « Un haut degré d'ambition change des gens raisonnables en fous qui déraisonnent. Mmh. » Surveillant Heimrat, est-ce que je suis fou à cause de mon père? Nous l'ignorons, Edouard. Ta tante Zorka, la sœur de ta mère, était internée ici avant toi. Elle a fait un long séjour au pavillon des femmes pour une maladie qui ressemble à la tienne. Alors je viens de ma tante. Je préférerais. Tenir de ta tante? Oui. Trop de choses viennent déjà de mon père. Or, mon père, je n'ai pas d'existence légale. Aviez-vous déjà entendu parler de moi avant que je débarque ici? Non. Je n'existais pas. Je pâtis d'un trouble du culte de la personnalité. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas exister? Rien. Je n'ai rien pu faire. Des types comme lui, il y en a un par siècle. Des types comme moi remplissent les hôpitaux. Assez philosophé, Edouard. Range-toi. Il faut que tu sois impeccable pour accueillir ton père. Laisse-moi t'arranger. Voilà. Comme ça, tu es présentable. Un vrai premier communion. C'est bien que tu sois venu. J'ai fait au plus vite. Dire qu'il y a 30 ans, nous étions étudiants ici même, dans ce bâtiment. Viens t'asseoir. Nous assistions aux cours donnés par Jung. Quelle ironie terrible. Tu marchais dans le jardin à côté de ton ami Michael Lebesso. Nous rions dans le parc. J'ai gardé toutes tes lettres, tu sais. Je les ai tellement lues que je les connais par cœur. L'été 1900, je me souviens. Tu m'écrivais « Mon cher amour, autant mon vieux Zurich me donne l'impression d'être de retour à la maison... » Autant tu me manques, mon amour, ma tendre main droite. Où que j'aille, ma place n'est nulle part. Et la douceur de tes deux bras. J'imagine. Ça fait 30 ans. À Berne, dans notre petite chambre de la Gerichtsgasse, à peine l'eau courante, mais la vie semblait si facile. C'était comme si la grâce était tombée sur notre chambre. Toi, tu vivais dans un état de fièvre. Hein. Tu parlais tout seul, oui. Tu t'adressais à Newton, tu lui expliquais qu'il avait tort. Toutes tes théories accouchaient d'un jet sur le papier. L'encre suivait le fil de ta pensée. Le plus étonnant, c'est que tu avais la certitude d'accomplir quelque chose d'immense. Oui. Tu voulais plus quitter la chambre de peur que quelque chose ne t'échappe. Tu te souviens, tu m'avais envoyé porter ta lettre à Habich. Oui. Il avait lu ta missive devant moi, il avait éclaté de rire. Cher ami, je vous promets 4 travaux dont je pourrai vous envoyer prochainement le premier. Il est question du rayonnement et de la lumière d'une façon tout à fait révolutionnaire. Le 4e est encore à l'état d'ébauche. Il s'agit d'une électrodynamique des corps en mouvement qui repose sur la théorie de l'espace et du temps. Toi, Albert Einstein, 24 ans, tu allais révéler au monde ce qu'était l'espace et le temps. Mmh. Et t'avais raison. Oui. Et moi non plus, j'en ai jamais douté. Je t'ai juré qu'un jour, j'obtiendrai le Nobel et que je t'offrirai tout l'argent du prix. Tu as tenu promesse. Comment sommes-nous arrivés là, Albert? C'est peut-être ma faute? Non. Parfois, je songe à ce qu'aurait été notre vie si Lizerl avait été parmi nous. S'il te plaît, Mileva, laisse Lizerl en paix. Je suis allée fleurir sa tombe il y a un mois. Au village, ils en prennent soin. Chez nous, on dit que l'âme des enfants veille sur les autres tombes. On dit que c'est un ange. Souvent, je songe que Dieu m'a puni de l'avoir abandonné. Ne dis pas de bêtises. Pourquoi tout ce malheur qui s'abat sur nous? Je t'en prie. Alors, tu pars en Amérique pour longtemps? Qui peut savoir, hein? À Zurich, tu seras toujours chez toi. Tu peux même venir avec Elsa si tu veux. Hein? Allez, il est l'heure d'aller voir ton fils. Quelqu'un t'a dit d'entrer? Tu dois avoir une autorisation. Je suis tracassé administrativement. Il y a une arrière-pensée à ta visite? Je me méfie des arrière-pensées et des sous-entendus. La plus grande fable qu'on ait inventée est celle de la connaissance. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Tu sais, on raconte beaucoup de mauvaises choses sur toi dans la presse allemande qu'on lit ici. Tu n'avais qu'à pas aller vivre à Berlin alors que Zurich est une ville si calme. Si seulement il y avait pas ces maudits loups. Est-ce qu'on a toujours ce qu'on mérite? Personnellement, je n'ai rien fait de mal qui puisse le justifier. Je suis pas comme toi. Toi, tu as un destin. Personne ne l'empruntera. Tandis que moi, j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Je crois me souvenir qu'un jour, quand j'étais petit, tu m'as abandonné au beau milieu d'une forêt et qu'une bête sauvage m'a ramené dans ses crocs à la maison. Je ne t'en veux pas, personnellement. Je sais que tu es un peu distrait. Je suis devenu indulgent, tu sais. Je peux tout entendre de toi. Je suis simplement venu te dire au revoir. Ah oui? J'ai entendu dire que tu partais en Amérique. Je déteste les Américains. Comment te sens-tu, mon fils? On a dû te dire que j'ai rencontré des psychiatres. Ce sont des ignorants prétentieux. Ils croient avoir la science infuse. Moi, j'ai la conscience confuse. Ils m'ont enfermé comme si j'étais fou. Tu ne crois pas que je sois fou, n'est-ce pas? D'autres le croient, je le vois dans leur regard quand je parle des loups à la nuit tombée. Édouard, j'aimerais te poser une question. Pose-la sur la table. Édouard, pourrait-on réfléchir ensemble au fait d'aller tous les deux en Amérique? Hein? Le départ est prévu dans plusieurs semaines. Tu aurais tout le temps de préparer tes affaires, on partirait ensemble, on prendrait le bateau, on s'installerait à Princeton. T'accompagner? Hors de question, plutôt crever. Moi, je suis pas comme toi, je n'abandonnerai pas maman. Tu comptes rester longtemps à Zurich? Je repars demain à Berlin. Si tu dors à la maison ce soir, alors toi aussi tu devras te méfier des loups. Tu veux que je te prête la règle métallique qui protège quand on la glisse sous l'oreiller? Je peux m'en passer pour une nuit. Tu es mon père, après tout. Je te dois obéissance et respect. Je dois partir. Au revoir, mon fils. Adieu, papa. Pendant les décennies à venir, le nouvel univers de Mileva se trouvera délimité par le tracé de la route qui va de sa maison à la clinique de Burghölzli. Les mois défileront au rythme des internements et des sorties de l'asile. Elle vient chercher Édouard à la porte de l'institut pour le conduire chez elle. Quelques semaines plus tard, un accès de démence ramène Édouard entre les murs. Chaque matin, en me levant, j'ignore de quoi le jour sera fait. Je vis selon les caprices du mal. Je ne vais plus me promener le long de la limate. Plus jamais je ne flâne sur les boulevards devant les vitrines. Je ne contemple plus le bleu du ciel, je ne m'observe plus dans la glace. Le temps qu'il fait importe peu, les saisons ont disparu. Rien de ce qui est étranger à Édouard ne compte. L'arrivée du printemps, c'est Édouard qui dort une nuit entière d'affilée. L'annonce de l'hiver, c'est une sirène d'ambulance attendant au bas de la maison. Je rêve de m'asseoir une heure sur un banc le long du lac, contempler les flots. Me laisser bercer, que les eaux engloutissent le souvenir du jour passé. Mais tout répit m'est interdit. Je suis la compagne de la folie, je m'acoquine avec la démence. La chambre d'Édouard est le centre de l'univers, le cerveau d'Édouard est le maître du monde. Ma vie tient en 6 lettres. Édouard, C'est l'heure de manger. Chez moi, nous mangeons à midi tapante, pas midi moins 5. Je suis très à cheval sur les horaires. Dans le cas contraire, tout se détraque dans mon esprit. Midi moins une et je n'ai pas faim. Midi une, mon estomac se serre. Chacun son horloge biologique. Chez toi? Oui, on déjeune à midi chez moi. Midi est l'heure de manger. On n'a pas faim avant midi. C'est ainsi chez moi. Et où est-ce donc chez toi? Je le sais, vous le savez aussi. Peux-tu me donner une adresse? Utenstrasse, numéro 62, troisième étage, porte droite. Et que fais-tu alors, loin de chez toi? Je ne sais pas. Réfléchis, Edouard. Est-ce que tu es perdu? Non. Reconnais-tu les lieux? Oui. Hormis mon père, je n'ai aucun problème de reconnaissance. T'as-t-on forcé à venir ici? Il me semble. Pourquoi t'aurais-t-on forcé? Peut-être à cause de la désobéissance. Alors pourquoi refuses-tu d'obéir? Je refuse simplement d'aller déjeuner. Mais si c'est un ordre? On ne peut pas m'ordonner de manger, c'est dans ma constitution. Alors il va falloir appliquer le règlement. C'est la raison de ma présence. D'abord, redresse-toi. J'ai mal au ventre. Et moi, j'ai mal au dos. Hein? Prétends-tu souffrir plus que les autres? Non, monsieur Amrath, je peux imaginer combien vous avez mal. Non, tu n'imagines pas. En tout cas, lorsque j'ai mal au ventre, cela peut être terrible aussi. Petit prétentieux. Tu affirmes souffrir autant que moi? Tu n'as droit à aucune prérogative ici. Tu seras traité comme tout le monde. Je ne revendique aucun statut. Si, tu insistes. Tu ne cèdes pas, tu ne renonces jamais. Tu permets. Il n'y a pas de passe-droit ici. Nul n'est au-dessus des lois. Et certainement pas un fils à papa comme toi. Je ne suis pas un fils à papa. Chez moi, on déjeune à midi. Sept octobre 1933, dans le port de Southampton. Albert Einstein est à bord du Westmoreland. Il part pour l'Amérique, un aller sans retour. 9 mois auparavant, le 30 janvier, Hitler est devenu chancelier. En quelques semaines, toutes les libertés ont été abolies, tous les syndicats et les partis politiques ont été interdits. Des centaines de milliers d'opposants ont été internés dans des camps de concentration. Le 20 mars, la maison de vacances d'Einstein à Kaput, au sud-ouest de Berlin, qu'il avait fait construire en 1929, a été saccagée au prétexte qu'on y cherchait des armes et qu'on soupçonnait le Nobel d'être un agent bolchevique. En avril 1933, la loi sur la fonction publique a exclu les Juifs de tous les métiers des administrations et des universités avant de leur interdire l'exercice de la plupart des professions. Les côtes d'Angleterre s'enfoncent dans la brume, mais c'est à sa terre natale qu'il lance un dernier adieu. Albert Einstein ne remettra jamais plus les pieds sur le continent européen. Un jour, peut-être, j'emmènerai Teddy en Amérique. Un jour, père et fils reprendront la route, comme jadis, parce qu'on partait marcher sur les sentiers. Mais non, le grand voyage est impensable pour lui aujourd'hui. Comment imaginer la traversée de l'Atlantique? Teddy, seul sur un paquebot au milieu de l'océan, il a déjà tenté de sauter par la fenêtre. Comment supporterait-il un voyage de plusieurs jours et l'appel du vide? J'imagine aussi l'arrivée à New York, l'afflux de journalistes quand j'irai le chercher au port, les flashs qui crépitent, les foules qui s'amassent. J'imagine les titres des journaux « Le fils d'Einstein débarque en Amérique ». Non, Edouard n'est pas un animal de foire. Edouard en Amérique, il a besoin de calme. Il faut à ce garçon le spectacle du lac paisible et lointain, les toits de la ville, les montagnes des Alpes. Rien ne doit venir perturber son esprit, enrayer la machine, ajouter un grain de sable au grain de folie. Aujourd'hui, tous mes idéaux ont été submergés. Tous mes combats ont été perdus. J'ai arpenté tous les quais des gares d'Europe. L'archevêque de Canterbury m'a reçu inquiet de savoir si mes découvertes remettaient en cause l'existence de Dieu. On m'a accueilli en héros sur la 5e avenue. J'ai navigué au milieu des planètes, défriché des îlots de particules élémentaires, mesuré l'expansion de l'univers, donné une nouvelle définition de la lumière. La lumière est à la fois onde et corpuscule, une autre définition du temps. Le temps s'écoule plus lentement au niveau de la mer qu'en altitude. Une autre définition de la matière. La matière est la courbure de l'espace-temps. J'ai été encensé, adulé, haï, vu comme le génie du siècle ou le diable incarné. Aujourd'hui, je pars en exil. Je suis un homme seul qui roule vers son malheur. Et mon fils est à l'asile. Albert et Edouard Einstein, de l'asile à l'exil, de Laurence Exic, avec Albert Einstein, Fred Ulysse, Edouard Einstein, Hector Manuel, Mileva Merrick Einstein, Sophie Dole, Max Planck, Jean-Claude Frissung, le surveillant Amrath, Grégoire Mont-Saint-Jean, la voyageuse, Andrea Schiffer. Prise de son, montage et mixage, Marie Le Peintre et Antoine Viozza. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Christophe Hoquet. Vous écoutez France Inter, Autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Albert Einstein avec mon invité, Laurent Sexic. La Marcheuse sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Clément Vuillet. Laurent Sexic, cette histoire, vous l'aviez d'abord écrite par le roman, elle est devenue une fiction radio. Cette transformation est surprenante pour l'écrivain, je suppose. En tout cas, c'est un plaisir de l'entendre. Et j'oubliais que j'avais écrit ces mots en écoutant vos acteurs et la mise en scène remarquable du réalisateur. Et j'espère qu'est retranscrite cette atmosphère de fin du monde, en réalité. Pour un homme qui était comme la civilisation, d'ailleurs, qu'il incarnait peut-être au bord de l'abîme. Et c'est cela, en tout cas, qu'à travers les mots, j'ai essayé de décrire. Oui, c'est la fin d'une civilisation. On risque d'être englouti par le nazisme, le totalitarisme. Première question qui vient immédiatement à l'esprit, Laurent Sexic, à la fin de cette histoire, enfin du moins ce premier épisode, le deuxième sera la semaine prochaine, ce départ sans retour de la part d'Albert Einstein, est-ce que c'est un abandon de son fils? Est-ce qu'on peut parler d'abandon? C'est un peu le mot qui vient à l'esprit. C'est vrai que Einstein ne reverra plus son fils durant les années qui lui restent à vivre, jusqu'en 1955. donc il y a 22 ans, où c'est en effet la première idée qui peut venir. Il y a sans doute autre chose. Il y a dans cette sorte de renoncement à voir son fils, d'abord une forme d'intuition de la maladie. Souvent, et j'ai rencontré par la suite des parents de schizophrènes, malheureusement, Einstein est un homme comme les autres, sur ce point-là en tout cas, c'est-à-dire que les pères fuient parfois. Einstein. Oui, des pères qui fuient, qui abandonnent leurs enfants après un premier mariage, c'est quelque chose d'assez banal, excusez-moi, les pères fuient parfois leurs enfants schizophrènes. Les mères moins. Et les mères restent. Il y a chez Einstein cette peur devant quelque chose qui le dépasse. Einstein est pourtant un homme, et c'est cela qui surprend, c'est cela qui peut choquer. Einstein est un homme éminemment courageux, qui a affronté Goebbels, qui affrontera Edgar Hoover, qui affrontera McCarthy, c'est un homme de tous les combats. Et avec la folie de son fils, on a l'impression qu'il a trouvé plus fort que lui. C'est parce qu'il ne peut pas l'expliquer, parce qu'il est l'homme de la raison, l'homme de la science. Il n'a pas de mots pour décrire cela. Non seulement, et comme à l'époque de toute façon, cette maladie que l'on vient de découvrir, enfin dont on vient de mettre un mot sur cette maladie qui auparavant était appelée la démence précoce, il n'a pas de mot pour la qualifier, mais surtout, elle est aux antipodes de qui il est, et elle est une espèce d'émanation monstrueuse de sa propre personne, tout en étant à l'opposé, c'est-à-dire c'est l'incarnation de la perte de la raison, c'est la perte de toute intelligence avec le monde. C'est une maladie qui effraie de toute façon. Alors il ne l'a pas abandonné dans le sens qu'il a toujours assuré le financement de l'hospitalisation, il a toujours donné mensuellement beaucoup d'argent à Mileva, mais s'il lui a écrit, s'il a été en contact avec des gens qui l'ont suivi, qui l'ont soutenu, il a toujours en effet tenu cette sorte de distance, comme s'il y avait dans ce fils et dans la folie de ce fils quelque chose qui lui était insupportable à affronter. Dans un texte qu'il a écrit « Comme je vois le monde », Albert Einstein déclare « Je me sens réellement lié à l'État, à la patrie, à mes amis, à ma famille, au sens complet du terme, mais mon cœur ressent face à ces liens un curieux sentiment d'étrangeté, d'éloignement, et l'âge accentue encore cette distance. » D'ailleurs, dans votre écriture, Laurent Sexic, dans les scènes où apparaît Albert Einstein, souvent il est en retrait justement. Est-ce que c'est cette distance dont vous parlez ? C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça qu'il apparaît à travers ses discours, à travers ses écrits. Un génie, s'il a été un père comme les autres, un génie n'est jamais un homme comme les autres. Surtout quand ce génie ne se contente pas, encore une fois, de chercher à partir à l'origine de l'univers, mais s'il est pleinement engagé dans son temps et dans tous les combats de son temps, il est à la fois, il a été un mauvais mari, un mari très volage, on le sait peu, il avait quantité de maîtresses jusqu'à son âge le plus avancé, il a été d'une certaine manière, pas dans les premières années, durant les premières années il a été un père assez présent avec ses deux fils, mais ensuite il a eu ses rapports extrêmement conflictuels, tant avec Édouard, bien entendu, qu'avec son fils aîné. Il faut dire un mot aussi, un petit mot sur Lisa, la petite fille donc qu'ils ont eue, Mileva et Einstein ensemble, hors mariage, donc ils n'étaient pas encore mariés. Qu'est-il arrivé à cette petite fille ? C'est en réalité une affaire très commune. En 1900, en effet, des couples abandonnés souvent, des couples qui n'étaient pas officiellement mariés, des couples qui étaient extrêmement jeunes, qui vivaient dans le plus grand dénuement, abandonnés d'une certaine manière, si on peut là encore parler d'abandon, leur enfant à des nourrices, là, Lizerle, qui était née hors mariage, a été laissée à Novi Sad, la ville natale de Mileva, à sa famille. Elle est morte quelques années plus tard, sans doute d'une scarlatine à l'âge de 3-4 ans. À propos de la confiance, de la foi d'Albert Einstein dans l'intelligence, dans la raison, je vous propose d'écouter sa voix. Il parle justement de l'intelligence. It is intelligence which is the ability to learn from experience. C'est l'intelligence qui nous permet d'apprendre par l'expérience et de faire des projets pour l'avenir. C'est elle qui nous permet de renoncer aux bénéfices immédiats et temporaires au profit des bénéfices permanents. Cette partie de la nature humaine reconnaît que la sécurité et le bonheur d'un homme dépendent d'une société qui fonctionne bien et qu'une société qui fonctionne bien dépend de la loi. That man must submit to those laws. Et que l'homme doit se soumettre à la loi pour avoir la paix. Et c'est cette faculté de raisonnement qui est responsable de tout le progrès humain dans le domaine de l'histoire, de l'art, de la science, de l'agriculture, de l'industrie et du gouvernement. Donc Albert Einstein, c'était en juillet 1946 à la radio américaine. C'est beau, cette confiance dans le progrès, dans l'intelligence humaine. Cette confiance qui avait été bafouée au cours des décennies, de la décennie précédente. C'est-à-dire cette aspiration, malgré tout, au bonheur, à la paix, qu'il ne cessera de partager avec l'ensemble des êtres humains. Ce n'était pas pour lui. Et c'est étonnant d'entendre cette voix, c'est très émouvant, je trouve. Parce qu'il y a aussi cette forme d'ironie face à la vie, cette forme d'éclat, cette forme d'intelligence, ne serait-ce que dans la voix. Et c'est un physicien qui parle. C'est un physicien qui parle d'art, qui parle de science, qui parle de la loi, qui philosophe. C'est ce qu'il y a d'exceptionnel chez cet homme universel en réalité. Vous avez créé dans cette fiction un personnage imaginaire, un personnage assez étrange. C'est le surveillant de la clinique psychiatrique. Vous l'avez nommé Heimrat. Qu'est-ce qu'il représente? C'est l'univers médical, psychiatrique, la Suisse un peu? Tout cela, oui, et l'enfermement d'abord, et puis la difficulté pour le monde extérieur de justement soumettre à la loi quelqu'un de fou. Et Heimrat, qui n'est pas un personnage d'un bloc, alternera, je crois, entre le premier et le deuxième épisode, entre la volonté de soumettre son patient à l'ordre extrêmement dur. On est au début des années 30 et puis au milieu des années 30 qui règne dans un hôpital psychiatrique. On en est au balbutiement de la psychiatrie, avant même les électrochocs. Donc oui, c'est les tout débuts, hein, c'est voilà. Les années 30. Voilà, les c'est à l'époque extrêmement violent, évidemment, à l'époque. Oui, mais ils sont pour la première fois appliqués en 38. Donc là, ils ne sont même pas encore appliqués et on dispose pour soigner ces schizophrènes, pour soigner les aliénés, d'une batterie de quelques médicaments. On a les barbituriques, le bromure, les injections de sel d'argent, les saignées. Et évidemment, tout cela est totalement inefficace. Plus tard viendront d'abord les électrochocs, qui malgré leur caractère barbare, notamment à l'époque, il y a eu malgré tout des progrès de fait dans l'administration, puisqu'ils sont toujours administrés, plus aux schizophrènes, mais dans les formes les plus graves de la maladie bipolaire, les neuroleptiques seront utilisés bien après. On est totalement démunis, et Heimrat est autant démuni que les autres, face à une pensée qui s'échappe, et face à cet enfermement intérieur, cette souffrance, qui est pour moi une des pires souffrances médicales, de ces jeunes hommes ou jeunes femmes, puis de ces adultes, enfermés en eux-mêmes dans la folie. Merci beaucoup Laurence Exic pour ce message humaniste. Votre roman Le cas Edouard Einstein, publié chez Flammarion 2013, est disponible en poche aux éditions J'ai lu. Vous êtes également l'auteur d'une biographie d'Albert Einstein chez Gallimard en collection Folio. Et je signale que de cette histoire, vous avez aussi écrit une pièce de théâtre qui sera montée en février 2019, je me trompe pas, à la Comédie des Champs-Élysées. Et vous venez de publier un autre roman qui a trait aussi au rapport père-fils, Un fils obéissant, publié chez Flammarion en 2018. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster, bien sûr, cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, ce sera le deuxième épisode de notre émission sur Albert Einstein et son fils Edouard. Albert Einstein, arrivé aux États-Unis juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui va appeler le président américain à accélérer les recherches sur la bombe atomique, ce qui n'empêchera pas Einstein d'être la cible du FBI pendant la chasse aux sorcières sous le McCarthyisme. Albert Edouard Einstein, de l'asile à l'exil, épisode 2, écrit par vous, Laurence Exic. C'est dimanche prochain, dans Autant n'importe l'histoire, je recevrai Étienne Klein. Mais dans quelques minutes, bien sûr, après le flash, votre rendez-vous avec Edouard Baird, Lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.